L'expérience va s'adapter au cadre de croyance de l'individu pour qu'il l'interprète. Ça part avant. C'est pour ça que c'est des affaires que je regarde puis je prends avec un grain de sel, parce que d'une personne à l'autre, ça va se manifester différemment. Pas parce qu'il l'interprète différemment, mais parce qu'il n'avait pas le choix de se manifester différemment. La perception n'est pas la même. Donc, comme quelqu'un qui vit des deuils, puis, tu sais, je veux dire, c'est des expériences tellement particulières, mais l'énergie, elle va s'adapter. Mais je vois beaucoup plus ça comme le phénomène va s'adapter à la personne qui vit l'expérience que la personne qui vit l'expérience va l'interpréter différemment. Mais à mon Donc, avis, ça peut être un mélange des deux. ouais, c'est lié, mais à mes yeux, vraiment, c'est le phénomène qui va s'adapter à l'individu, puis à son bagage, pour qu'il l'interprète dans le sens. Et là, c'est sûr qu'on peut se poser la question si derrière ça, il y a une visée ou une intention du phénomène par rapport à l'individu pour l'amener en certaines directions. Ouais, ben on voit ça comme ça parce qu'on est psychologique, mais dans le fond, c'est un petit peu comme. Bon, ben, c'est certain que c'est un peu comme de l'eau qui coule sur des bâtiments. Ça va s'adapter selon la forme des bâtiments. Donc, même là, je fais attention de ne pas prêter d'intention à ces phénomènes-là. C'est plus des fonctions. Parce que l'intention, c'est psychologique. Donc, par exemple, si ton corps il se met à produire de la température, à faire de la fièvre pour combattre une infection, c'est pour une fonction. C'est parce qu'il y a une fonction, puis c'est ça qui se manifeste. Mais c'est pas parce que le corps a l'intention de combattre une infection, c'est mécanique, puis ça se fait tout seul. Non, c'est comme une réaction chimique, là. C'est automatique, c'est pilote Ouais. automatique, ouais. On dirait qu'il y a de ça dans ces phénomènes-là. Puis plus on prête une intention, plus les phénomènes s'adaptent, puis ils vont singer l'intention. Donc, c'est très particulier, là. C'est des choses qu'on peut pas étudier d'une façon parfaite, là. L'interprétation que les gens qui font l'expérience ont ou qui vont avoir va carrément influencer la nature des phénomènes. Donc, je veux dire où les phénomènes vont s'adapter, mais il reste que si la personne, entre-temps, change d'interprétation puis de perception, les phénomènes souvent changent. Donc, c'est très spécial, là. Bien, ça revient dans le lien avec le principe de la physique quantique, le simple fait d'observer quelque chose agit dessus. Ben oui. Puis, c'est pas obligé d'être une observation consciente. C'est-à-dire, les vues que la personne a là sur certaines choses, elle ne peut pas objectivement voir ses vues en tant que vue subjective. Donc, il y a une grande partie de tout ça que c'est totalement inconscient, c'est totalement mécanique.